ぞ。 はい。 わあ。 わあ。 わあ。 あ。あ。 あ。 あ。 Si je me dérange, c'est comme pour que ça s'arrête. Ah. Énergie cérébrale, pas ton feu dans le cossier, pas dans le cossier. Papa, grossi, dans le même destin. On est dans le fossé. Ah. Je vais pas dans le fossé. Voilà, c'est toi, c'est ton arcan. T'as là pour tirer les bateaux comme ça. Voilà, comme le bateau des tamans. Voilà, comme les dégâts qu'on parle. Voilà, enfin tes parents, tes parents. Dame, ah. On est parents. De quoi tes parents, on est parents, on parle. Comment je suis noir en pomme à carrure. Non, non, non, on perd les calculs. On perd le match à la dernière minute. Non, t'y gratte ta mère dans les vestiaires. Salope, opération commando sur tes vécus. J'ai du temps, j'ai fait salope. Ça m'a faux, vulgaire. Je me sens comme Van Damme dans le tournoi. Alors, ça m'a sort. Viens donc, sans moi. Un peu, je la forme, mais je forme. On perd le match à la dernière minute. Mais on piquera ta mère dans les vestiaires, salope. On perd le match à la dernière minute. Mais on piquera ta mère dans les vestiaires, salope. On perd le match à la dernière minute. Mais on piquera ta mère dans les vestiaires, salope. On perd le match à la dernière minute. Mais on piquera ta mère dans les vestiaires, salope. J'ai des chars à sortir mon chiffre direct. J'aime pas Bashima. J'suis déjà à récupérer les cheveux de mes ennemis pour la magie, moi. Oh. Dans mes honnêtes tous les soirs, j'ai filtré mon cœur. Voilà, je veux plus les voir. Regarde la Nina, regarde la Nina, cette salope. Quand j'suis avec tous mes potes, quand j'm'entraîne de pousser à cette salope, veille. Ah ah. Non comprenne, non connosco. J'ai le cœur froid comme Alaska, j'suis dangereux pour pratiquer la Colosco. Eh, me pète sur du rarissime Orozco. Oh, non, j'ai demandé personne à la rescousse. Eh, j'm'adoucis sur la risky. Oh, j'suis dans la cible, quoi pour bois, pas de whisky. Ah. On perd le match à la dernière minute, mais on piquera ta mère dans les vestiaires, salope. On perd le match à la dernière minute, mais on piquera ta mère dans les vestiaires. J'ai le feeling, je m'en fous du permis, je chauffeur. Pas des artistes, des sauveurs. On va se faire seul, R. Et elle est belle seule quand c'est la crise, tu la tapes. Hein, elle est pas top, R. Je veux la prendre elle avec sa sœur. Tu t'es pris 4 sœurs, c'est mieux donne la manette. Si tu dis les formalités, t'as des manières, j'ai qu'une tête. Oui, pop, faut bouger ta tête, R. La tête, j'arrête pas. Je vais te faire un album en balle sans un problème de budget. T'es buté sur nos sons, ta pute sait que c'est nous. Merde à la télé, j'ai loupé Loana. Se faire baiser dans la flotte. Maintenant les rats c'est des fiottes. Nos vrais raps sur des CD. J'y m'observe, fini time stone. Texto, tout son corps vibre comme un sextoy. Pas grave, mais on sait. On perd le match à la dernière minute, mais on piquera ta mère dans les vestiaires, salope. On perd le match à la dernière minute, mais on piquera ta mère dans les vestiaires, salope. On perd le match à la dernière minute, mais on piquera ta mère dans les vestiaires, salope. On perd le match à la dernière minute.